Voilà. Bonjour les amis, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Toujours le même exercice. Bonjour Yannick, Massala, Léontine, bonjour. Peter, Ngoya, Ngoya. Comme toujours. Merci beaucoup. Bon, d'abord les amis qui sont sur YouTube, ça va? Bon, l'application que j'utilise sur YouTube, c'est difficile pour que je contrôle si vous me captez très bien ou pas. Alors, c'est pour cela, à tout moment, je demande aux amis qui sont connectés sur YouTube, de me signaler si ça va. Voilà, merci. Je ne sais pas. Sokinazali, na YouTube et Nazate. Bon, Sokinazate, vous c'est peut-être na bililingi ya pamba. Mais Nazate, bililingi ya pamba, vous c'est peut-être na bililingi ya pamba na YouTube. Voilà, merci. Touye rapidement. Tomek un peu kotika moi mot avant tout qu'il y ait une occupation. Actualité en Boka. Bandeko Bazali, na YouTube, nous avons posé une question. Pardon, na Facebook. Il y a une question à titre na Facebook. Mais na YouTube exacté. On se demande pourquoi, comment expliquer que Étienne Tshisekedi n'a laissé que des idiots. Donc la question est Ali, comment expliquer que Étienne Tshisekedi Wamulumba n'a laissé que des idiots? Oui, attendez que je bloque d'abord BD. BD, Kenena Kabeaka Mwanga d'abord. Voilà, il est parti. Donc, comment expliquer que Étienne Tshisekedi n'a laissé que des idiots? Est-ce que Yemo Kwazala qui est idiot? Pour autour naye Batubazala Kakaba idiot? Ou bien, Baïdio, Baïko se retrouver ensemble quel jour? Et là, on est les kaki pour que Baïdio, Baïko Sangana, Bakoma Mutualité Moko, Club Moko, ya Baïdio, et Ba se retrouver Bangonio, son IDPS. Et ce qui vous dit bien, IDPS, c'est composé na Batu Moko. Na ebite na directoire ya IDPS, ce qui Batu Moussous Bazali. Mais, na kata IDPS kunanga Batu na yebi, Bakombo na yebi. Ezali Bachi, Cha, Cho, Chi, Tshisekedi, Kabuya, Kabund, Ntumba, Kazadi, Bilomba. Donc, ezali juste kakabatouana qui se retrouve na kati ya IDPS. Et quand vous regardez très bien de près ce frère-là, oyo bazali ko composé IDPS, franchement, bangonyo so bazali ba idiot. Idiot au vrai sens scientifique. Ce qui est tali malamo, bangonyoso, bazali, ba idio. Kobanda ye moko président na bango. Président na bango ye moko bazali national. Ce qui est au benga ye national, ezali inkolobake président national des idiots. Tozali kolobe a toujours makambo ya consultation. Tozali kolobe a toujours makambo ya guerre entre FCC na IDEPS parce que les caches n'existaient plus, INC, ils ont sous-souté, n'a pas décision, il n'y a pas plateforme. IDEPS et Tikali, il y a un mot. Il y a un autre zolo bat toujours que guerre est allée entre IDEPS na FCC. Et là, on a zali ko regretter, zali que bande konabiso ya IDEPS. Bande konabiso ba milouvor. Bango, ils reconnaissent que Congo ezali na plus de 400 tribus. Bango, bazali ko reconnaître, bazali ko reconnaître que Congo ezali na Bakongo, ezali na Bangala, ezali na Bashwahili, ezali na Baluba. Juste au moment où ceux qui leur idiot national azali na problème na Kabila. Soki idio national azali na problème na Kabila, à ce moment-là, ba milouvor bazali ko reconnaître, oh, Congo ezali na ba tribi 400 bande ko boya. En ce moment-là, ba yaka bazati. En ce moment-là, ba nyangala kata bazati. En ce moment-là, ba ndoki bazati. Et komi Congo boya, to sangana, to bengana munguna. Mais na tango bazali ko lia beefsteak na Kabila. Na tango Kabila zali partenaire na bango. Na tango Kabila zali frère na bango. Bakongo, Bangala, Bashwahili, bakomaka bayaka. Bakomaka ba tribaliste, bakomaka ba aîné, bakomaka ba jaloux, bakomaka ba ngwandiste, bakomaka ba lamukiste. Soki eyindi national na bango na le Rwanda Kabila wana baye koyeba ke ah mboka oyo nzoka nde bayaka pe bazalaka na mboka oyo nzoka nde bashwahili pe bazalaka nzoka nde bangala pe bazalaka nzoka nde bakongo pe bazalaka. Il y a un problème sérieux. Ce qui tozo ya chaque jour que le belango bandeko ba kanisa te kezali blague. Il y a un problème très très très sérieux. Kalamingi te bazo kabula bambuma. Bambuma donc on veut dire ba coup de balle. Kalamingi te. Les deux groupes bazali ba très très pona mboka na biso. Les deux groupes bazali ba criminels. Les deux groupes bazali ba idiots. Les deux groupes bazali ba inconscients. Batu ba détruire mboka na bango, mboka na biso, ezali batu oyo. FCC na UDPS. UDPS n'est pas un parti politique. UDPS ezali une association tribale. Pour nous protéger l'intérêt d'une famille. Il y a Rouen à Bango. Ce n'est pas un parti politique. Ils allient une association d'escrocs. Entre Bango Babundi, Batuna Kan à Bango Bazolé la Mboka, entre Bango. Les criminels, les idiots de l'UDPS, Bazali Kosenga consultation, secours, Moutazo Zindana Mai. Likasa nyonso oyo ezoleka oyebi te beke likasa wana ekosupporte poids na yo te me okosimba kaka on ne sait jamais okosimba kaka na mayi ozotiola ozodinda na fleuve soki omoni me mwa branche moko moke ezoleka likasa ezoleka okosimba yango on ne sait jamais peut-être likasa oyo ekoki kosove ngai bango bazoluka consultation moto akosove bango. Biso bayaka, ba aîné, ba tribaliste, ba jaloux. To komi important. A komi ko bengisa, moutou nyonso, ozala mouyaka ko benga yo. Ozala tribaliste ko benga yo. Ozala jaloux ko benga yo. Ozala aîné ko benga yo. On ne sait jamais, peut-être na kati na bango moutou mwaka koyi ko sauveye. Na kote ya ba Rwandais, les Congolais de course, bazole la peine andenge na bango. bamusus bazoye mbaba nzembo. Tchala mwana bimisi nzembo. Nzembo ya tchala mwana, nou, tozana bezwa tchala mwana te. Mais ce qui nous intéresse na nzembo ya tchala mwana, ezali ba bêtise entre bango, ba bêtise entre ba inconscient, ba bêtise entre ba criminel, ba bêtise entre ba idiot. Il semblerait que kaka biso bato bandai komona ke le national a rataki concours, a gagné concours te. Il semblerait que kaka biso batoto bandai komona que le national a gagné qui examiné. Il semblerait que ça kaka biso ba jaloux ba toto bandai komona que le national a koyi ko lambati. Kaka ba fieri ya pamba. Kaka ba kanzaka ya pamba. Kaka ko vimba na kati ya ba kanzaka ya pamba. Soki ya vimba ni na kati ya kanzaka, uzomona lokola ba buto ezali kufungwa maye ko katana. Ko vimba wana soki uti na planete msusu, o kanzake mutu oyo, ekelamu oyo vimbi na kati ya ba kanzaka, ezali pe na bongo ya malamu, ezali pe na makanisi ya malamu, ekoki pe ko kamba batu malamu nzoka nde na kati ya bakanzaka wana elilingi ya pamba chidingi dingi. Nga mutu nayebi nzembo, nayebi nzembo na te, nayebi koyemba ba nzembo te. Nayeba koyemba te. Nazana mungongo mo lokola mutu azana tono yebi ko yemba te même nani pat ce qui s'appelait comment Jacob de Varier akosa mutu ayembi nzembo wana partenaire na bino mamo national a part partenaire na bino azali pe moko ya ba milouvor. Bomoni ke bitumba elongwe to pemi mikolo bayaka ba ene ba tribaliste ba jaloux bandoki to pemi banda lobby banda mamu abimisele biso nzembo wana ingratitude franchement to pemi na kofinga ngai vraiment na lali lokola bébé na lali lokola pongia ba bébé mutu afingi ngai te. Mais er moko isalinga souci parce que na mesani na kofinga to mesani soki ba fingi biso te tozoka bien te. Alors bo rater 2 jours bozo finga biso te ça nous manque. Ça nous manque. Et soki otali on tozoya ko sala ba blague te. Soki botali malamu bato oyo ba finga ka biso. Pourquoi tu zali ko indexé groupe ya batwana? Parce que batu bazo finga biso, moi je n'ai jamais vu mutu moko nzao afinga ngai. Natiko mona nzao afinga ngate? Poso yoki deja nzao, ozomona deja bakongo. Natiko mona amisi afinga ngate? So yoki amisi province orientale. Soki yoki natiko yoka nanu ekofo afinga ngate? So yoki ekofo Équateur. Natikali koyoka mutu moko lokola tona afinga ngate so yoki bakombo ana bandundu me bakombo nyonso nakoki kotiela bino list parce que nazali na list ça va sortir na livre na biso plus de 2000 personnes bakombo ana zali kaka moko soki ilunga fingi yote kazali yako yakofinga yo soki kazali afingi yote ntumba yakofinga yo soki ntumba fingi yote ngalamulumba yakofinga yo soki ngalamulumba te bilomba yakofinga yo soki bilomba te okomona batatu nyonso na bakombo yango wana moko. Alors en tant qu'intellectuel pourquoi toko déduire te ke bato oyo bazali bato ya tribu moko ekofinga ezali une partie ya culture na bango. Na kosite, bandeko ba kenana na kasai te peut-être ba comprendre makambo na lobakati soki osi okenda na kasai insulter ezali une partie ya culture loba okoki kolongola luba luba kofinga te so longoli kofinga seke obomi culture na ye aza soute ça n'existe plus. Insanité ezali culture luba na zotia mutu nyonso na defibo ya koprouve nga le contraire. Moralité ya mabe kaka bango botala ba sexte pe ezobima mikolo nyonso tozomona kaka na net ere moko posa okima net ngai nakoki kovanda kotala internet ya bakongole pembeni ya mwana nga mwasi te. Soki omoni mutakala ya oyo kombo ye nani bapaster na bango soki omoni mbiye te okomona mutakala ya kalambai soki omoni mutakala ya kalambai te okomona mutakala ya héritier soki watana watanambwa héritier watanambwa si je pense c'est ça son nom soki omoni mutakala ya héritier watanambwa te okomona kombo ya l'air pasteur la réveil patriotique ya batatu nani le gars là de la seka na posari kombo na ye il s'appelle comment le gars là de la seka noki noki aide mémoire les amis voilà donc bozomona mitakala ba sex tape ezoya kaka bango nyonso kaka batu ya tribu moko mais bato mususu pe quand même il y a des gens qui se respectent cause la na partenaire sexuel ezali mabete ko bala moi c'est ezali mabete mais bokomona ke le bandundu ba Congo Équateur province orientale Kivu Katanga bazo sala en tenant compte il y a impact il y a société ce qui les kambwana et yeko bima na poisa mais na culture luba non na culture luba ou ba sex tape mutuash na kati ya voiture mamwani tatwani ezali mabete c'est la culture ce qui na kosiba ya prouver nga pourquoi ba sex tape non ces obima toujours les luba pourquoi. Pona nini boye bisangai? Pona nini? Est-ce que ezali ba yakabat bazo bimisa yango? Est-ce que ezali ba ene bat bazo bimisa yango? Est-ce que ezali ba jalo bat bazo bimisa yango? Non, ba sex step wana bat bazo bimisa. Kaka bango moko. Kaka bango moko. Donc soki ba kei ba sangani ba lemboa. Soki ba le milu super milu e voiringisi bango mitu ba bongo. Na ba sex tape oyo elingaki kobimate ebimi. Ah, les gars, son nom c'est Mukuna. Voilà ba kombo. Soki tokei na kote ya trahison, bango na bango. Soki na tokei na kote ya kodefendre même ba idiotie, buzoba, criminalité. Kaka bango. Soki tokei kote ya ba sex tape, kaka bango. Il faut ozala un idiot pour o déduire te parce que intellectuel azali observateur observer société okoyi ko déduire pourquoi bato bazo se comporter boye alors obani ko landela bato bazo se comporter boye baza bato wapi ba congolais ah c'est vrai oui bazali ba congolais mais ba congolais ango zela na tala nano parce que Congo eza munene bato nyonso bazo se comporter boye Congo ba uti wapi intel a uti wapi Oromona kaka flèche kei tui kasai. Mokuna. Mbiye. Ba sex tape. Mbiye auti wapi. Flèche kei tui kasai. Eritye watanambwa. Auti wapi. Flèche kei tui kasai. Kalambai. Kalambai. Flèche auti wapi. Kongo. Kongo. Nakata Kongo. Kongo eza mnena. Auti wapi. Flèche kei tui kasai. Kaizo na ba wande. totala nani congolais congolais yango nani mwana mboka yango nani Tshisekedi Tshilombo oh Tshilombo auti wapi na ba Congo te bandundu te province orientale te fleche kei tui kasai oh me bandeko il faut zala classe yango otanga malamu te po o déduire te que soyi kozwa ba décision okotinda ba décision na wapi okotinda ba décision wana na bato oyo bazwaka na décision na province et flash province ya Kasai ke baba to bazwaka ba décision bandeko mingi oyo bazali na bêtise bandeko mingi oyo bazali na idiotie bandeko mingi oyo bazali na kindoki ya boye to analyser totali to localiser bazo uta mingi na province oyo alors to kosali sa province oyo pona kozwa décision décision par exemple il y a éducation morale. Éducation morale. Lelo oyo soki mbongo monani. Ba donateur soye balinko pesa mbongo na éducation. Ngai na ko proposer bango fond wana ikende d'abord na kasayi po na éducation morale. Ça ne va pas na kasayi, ça ne va pas. Na politique, nani oyo aye penza na éducation, yako respecte ba autorité te. Oyo bozo yi sabiso ki bozo respecte autorité te, azali mwana mboka, azali président, il faut respecter ye. Mais tozo nan d'exemple ya nani, tozo nan d'exemple ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bosi boyoka, Etienne Tshisekedi ya benga ki Mobutu président, soki ayo ki Mobutu alaki ye, ako pesa ye poste ya premier ministre. Mikolo wana boyoka Etienne Tshisekedi kuna na limete, kombo ya radical ebongi, oyoka le président Mobutu, le président Mobutu, moi avec le président Mobutu. Soki Mobutu alobi na ko pesa yo to, Mobutu pe azalaki mbaka, mumbandi, ah, mwane kanga. Soki alobi na ko pesa te, na ko pesa te, bo mata bo kita na ko pesa te. Soka muna yoke le mawa. Mikola Mobutu soale bina kopesa yete. Mobutu bako benge lisusu, president ya republik te. Bako benga ye Mobutu. Bako benga ye Mutu atangate. Bako benga ye Mutu yo kriminel, azaliko boma, assassin. Soki Mobutu alakie, yaka na badoli te, mwa biloko izali, de karton izali. Le president Mobutu, moi avec le president Mobutu, akomi president. Moto alakisi biso oyo bozo benga entre guim yeme impolitesse politique à respecter ba autorité te moi je vous dis toujours politique et la kisinga on ne respecte pas ses bourreaux un politicien qui ne respecte pas son peuple azo mérité respecté Bokomona bamboka ebele oyo un président un premier ministre si vous allez par exemple dans des pays comme le Canada vous allez dans des pays comme l'Australie mais on respecte leur premier ministre parce que le premier ministre respecte le peuple Trudeau peut s'agenouiller devant un petit peuple un enfant de l'école Trudeau peut s'agenouiller pour expliquer peut-être cet élève peut-être ce citoyen n'a pas compris la politique de Trudeau Trudeau plutôt, peut s'agenouiller pour expliquer. C'est ça le pays, c'est ça respecter les citoyens d'un pays. Et pas une abisso. Quand on vimba, quand on a un kanzaka, quand on a un matama, quand on a un vimba, quand on a un vimba, na moutou et l'autre côté. Expliquez, peuple, qu'est-ce qui se passe? Expliquez. Moi, j'ai expliqué exactement. Le Congo, donc, Congo est allé royaume. Congo est allé à Bango. Papa n'a pas été là. Papa n'a pas été fondé pays république. Wana et comme Congo. Papa n'a pas été fondé à Bango. Et allé à Bango, on n'a pas d'explication. Bah, roi Koutou, bah, j'ai une explication qu'on peut faire peuple. Mais na Congo, ces anti-valeurs, bah, j'ai une explication qu'on peut faire peuple. Botou na boy. Ezali mabe. Olo baboy, ezali mabe. Bolo baboy, ezali mabe. Boko yuko loba yangote. Kofinga, kotfinga. Ba insanite. yango tozolo bake mikolo biso topemi des jours yo ma mochala mwana l'autre milouvor apemi si biso parce que nzembo na ye ba milouvor nyonso balongoli batiyo na direction na biso direction sikoyo chala mwana azo mona makambo na ye zo yinda na ndenga kusakana te na moment na zoloba. Voilà ozo mwana mwa litama yeyengai na des jours ba finginga te mwa litama emati parce que le poisson ndenge basilisaka biso. Non, na yebite culture yo ezalaka na ba bassin air bazo sukula bango bazo tia mwa ba portion moko ya mensonge bazo tia ba portion ya ba injure bazo tia ba portion ya insanité ou bien ezalaka ndenge nini. Quelqu'un m'a demandé, mais yo ba bo frère na yote bobota pe bana peut-être ndenge moko. Oui, na 12 oyo milouvor abot sa sœur na ngai bazali soki 12 en tout cas 11 nzamba pambola bango bazwa eloko wana te aden wana ya ofinga bazwa te so moni bango basango moko kaka ye pensa chiseke di kaka copie conforme neve na nga wana copie conforme chiseke di. Ye soko zolo bana ye keba parce que soki o meki ko matisa mwa mungongo parce que nazali noko quand même mwa mungongo er moko so sali mabeko iko mata me keba ye mungongo ba matisa ye mungongo na miso abatu te eza la boza bino mibale soki abani ko balola misu a keba wana le kasai ezoko ta lati poswa kasai sikoyo oko yoka ye bien moko mutu arata le reste en tout cas copie conforme bandundu. Nakosi, naba conseiller na ye bango nyoso ba milvor, président ye okota, naba mboka nyoso tokenda ka soki président koti. Moi j'étais président d'une organisation. Na tango to sala ba réunion na biso ba conférence, ba colloque, ba symposium. Nga na bande kokota mutasuka, ba tonyoso ba koti, secrétaire benginga awe. Prof, ba tonyoso ba koki. Kokota na zo kota secrétaire a lancé président akoti debout une organisation kokota na zo kota secrétaire déjà za na porte ou bien hier za liboso na ngai côté na zaki na moi chambre na zo zela na tante ba tout so ba koka ba signaler oui presque ba tout ba koti akoyoya hier za liboso na ngai kokota kaka ngana hier zo kota a lancé le président arrive ah. Kokota na zokota tout le monde debout na koyeb sabango merci beaucoup bovanda président koti ba conseiller na chiluba etoki mais mutu moko kaka atelemi directeur ya cabinet adjoint et directeur cabinet adjoint azali kasayente azali mutabandu il s'est mis debout a kamwe na ye moko président na bango pe a kamwe bazota la bango jusqu'à ce que ba interpeller bango que non président koti mendenge nini bovandi boy ba telemi kotelema ba telemi ezalite que peut-être ba ta la président peut-être na sini moko ya excuse mais ba telemi bazo continuer ma solo na bango bazo tala na entre bango président koti na bango na sima kona bazo ki paye te mais ba telemi quand même kasai. Oh non, yo lobelaka baka sa epo. Na lobelaka bango parce que makambo na lobaka soki ezali lokuta. Nani aya contredire nga que c'est pas vrai. Nani asia une discussion avec ndeko na biso un kasayen. Discussion oyo kate ba benga yo makaku. Oyo ka ba benga yo ndokite. Et pour ta kindo ki so botali mingi na ba province nyoso na Congo nani akoyiko tika mwana ya bébé bakende ko lesa ye biloko na ndako abakasayen nani atombula musapi ndenge bovandi abozola ndangai nani oyo akozala conscience na ye tranquille mwana ye ya bébé ya 2 mois 3 mois 4 mois moins 10 années okende ko tika ye pa ba voisin bakasayen lesa mwana oyo nani atombula musapi. Ba Congolais tozali ba hypocrite. Tozali ba hypocrite to bomba na ba vérité. Ngai na kozala très à l'aise, mwana ngai ya bébé atikala na moto ba Congo, atikala na moto Kivu, atikala na moto Katanga, atikala na moto équateur atikala na moto ya province orientale mais moteme ko babila soki kaka mwana tikali et pa bandeko na biso oyo babengi baluba parce que oyebi ke kotika ozotika ye kozongo zozonga mwana bani ko pumba na butu kozongo zozonga mwana bani ko pumbwa nakosi. Alors, tchala mwana sali nzembo. Nzembo wana ezali entre bango ba bebani. Tchala mwana lobi ozwa concours te. Ozwa examen te. Concours wana ezali nini? Élection ozwa te. Kolamba pe oyebi te. Kolamba wana ezali nini? Un président qui est incapable, incompétent. Okoyiko sali loko te. Bandenga nzembo, tchala mwana lobi, ezali ko lamba, webi ko lamba te. Kaka ko vimba na nzaka. Ozali keba, ozali ko kende, nyoka nyoka. Keba, ozali ko kende, ngulu ngulu. Nzambe, apesi sata na bomengo, me sata na boyiko tosa mibeko. Nzambe, ezali nani? Kanambe. Satana, ezali nani? Félix. Nzamba pesi satana bomengo mebo satana amoni bomengo neza muke abuki mebeko alinga kokana na nzambe o kokana te tsala mwana lobi nzete oyo matela ki yango pe okitela o kokako sotete okosotete c'est-à-dire quoi azoluka consultation il croit que na consultation na batuana bakosalisa ye te na nzete o mataki nzete wana yango pe okitela nzete na ezali nani ezali Kabila o mataki Kabila matisi yo alobi pe clair mutu oyo amonisi yo bomengo atio na kiti ya bomengo kiti ya niekese lelo neti ezate nzete o matelaki yango okitela voilà esika tobandai koloba. Voilà ici kato bané koloba toko koma ici kawana to komi yango lelo. Toloba ki toko koma boko bebana boko koma ici kawana parce que nous tozali ba observateurs. Tozali ba idioti. Nous connaissons comment est-ce que les Rwandais travaillent. Toyebi ba Rwandais ndenge ba travayaka. Toyeba ki ndeko. Ozali na capacité à ko faire face na ba Rwandais te. Ndeko, ozali inapte intellectuel. Intelligence na yo ekwe de yote offer face na ba Rwande. Ndeko, ozali experience mokote ya ko faire face na ba Rwande. Ndeko, ozali na capacité mokote ya ko bunda na ba Rwande. Soki oliaki musuni abatu, nani azo se rappeler te na lobaki phrase wana. Soki oliaki musuni abatu, yango loba. Toko salisa yo sanza. To lobaki yango te? Olie boyo kama kambuto lobaki. Boye ko bimisela biso biloko ba terme cuisinier, bo bimisela biso ba terme ba ene, ba terme ba tribaliste, ba terme boye bimisela biso ba jaloux, ba mpangistane, ba ngwandiste, ba yaka. Mais lelo na consultation, olie to mona, na kata consultation kaka munya murenga ya, to mona ba chatumba, ba ilunga, ba ngoyi, ba kazadi, ba mute, ba baya, tozo mwana siko na consultation, vous appelez tout le monde. Moutu nyo sa ya, na ba ujana yangani, bana wana d'abord, bazo souffrir makasi. Boko miko tungisa na ba ujana. Banda Félix azwa pouvoir. Salaire ya $625,000. Félix azo zwa mbongo, $57 million. Azo pesa yango na Libanais. Félix mikolo nyo sa na ba avion. Voyage moko plus de $2 million. Bana na ye, mwasi na ye, ba komi ba donateur. Félix a ye ba yi ke ba ujana bazali. Félix a ye ba yi ke ba shege bazali. Lelo e yinde liye, alinga simba mema diembe la ba ujana. Bo sali sangaye. Ba shege bo sali sangaye. Ba ko sali sa yoto. To komi na sika yango. On avait donné des conditions. Mon frère, ndenge ozali ko résister. Beau frère, ndenge ozali ko résister. Que dit les actes. Yonaka bilelo ko exacte. Ozali élu président par le peuple. Yonaka bilelo ko moko exacte. Bandeko na yo pe ba miluvor, ba ye ba landi yo. Kaka slogan moko. tolobaki bon merci biso to mikosi na biso kende nde liboso lelo esuki ndenge nini ekomi non di les ali ekomi non bokomi kofunda na ba président na union africaine na moni l'autre idiot la kabund notre étudiant na kikwit kuna na kikwit azo lancer défi na Kabila à partir ya kikwit di lwana ezate mais na kikwit oyo bolobaki kikwit bazobo mamaluba kikwit oyo ye moko président na bino alobi kikwit bazobo mamaluba kaka na kikwit yango bazolo mamaluba okei pona kosisa di la partie ya kikwit yango kikwit yango moke yula kikwit yango ntoto ya cimetière ya Kongo Pemba yome mana pouvoir cimetière ya Kongo Pemba na kikwit pouvoir esi la parce que moto lokola kabunda koyiko kisakana na bana kikwit te bana mayombo inki cimetière ya Kongo Pemba yome vilaka mabengi mezi kaka cimetière ya Kongo Pemba parce que c'était bayakabaluba batoki bayaka ba tribalisme ba jaluba ene ya kikwit bazobo ba maluba ngam na lobby yango te président na bango moko aloba na ba journaliste ya France na France na public aloba bazobo mabande ko na ngai na kikwit kabunda za na kikwit bolakisi ye cimetière ya baluba babomate non ngana yebeli kikwit na biyungu te bana indobo bana infra bana kinzambi bana ya pungu kikwit yo kikwita ba idiove bozo ya kotonda pona kabund vous croyez kabunda kotikira bino mbongo bande kona biso bakasaye bapesa ka bato mbongo te mubutu soki azali koyana kikwit oui boyebi trebe kozonga mubutu azuzonga ba carton ezotikala oyo ba mpiakero kizon souffert pendant 37 ans bazolia na soupu bazolembola bazui kombo na se oyo koyaki na se bakomboli ye président na bango na kishasa azotikata 1 centime te nde na kikwit ba yako tikila bino alors dit les alakite bo gagna élection sikoyo nini susu partenaire na bino frère na bino Kabila tiala mwana zali sœur na bino na cop na bino ya criminalité au-delà de ça azali pe milouvor alors bo komi ko finga siko boyebi sikoyo ke bandundu pe ezalaka boyebi siko ke Équateur pe ezalaka province orientale ezalaka Bakongo ezalaka Kivu ezalaka Katanga ezalaka non bomema mikumba na bino tiala mwana pe atuni bino bokanisa ke ezali bidon ya 5 litres po bomema na ba o bazalaki na ba social na Europe na Amerika mbangu bakende Kinshasa bokanisa ke ezali bidon ya 5 litres bomema oh non, prof, oui, zatangu lisusu ya makambwana te, to yokana, boyeba akeno, nazali prof, soki bozana difficulté. Soki bozana difficulté, mikolona romona, prof, yoko zongi sa mabete, prof, yo zali prof, ba prof balobaka bongo te. Me natangu bozoli ya ba biftek, nazali susu prof, te wana zongi kuizinie, nazongi muyaka, mutalesa kabare fije. Bozwa kolea na munoka mboka. Bozela, boleli na mte. Attendez, moi je vous ai dit, entre idio na bino, na le Rwande Kabila, moko azo kufa. Moko azo kufa. Bato nyonso bakeyi na consultation, ye idio national na bino, c'est pas l'idio national d'ailleurs, c'est l'idio régional. Les nationales, les Congo, c'est pas ça. Moi, j'enseigne. Ba place nyonso na kendaka, soki na keyi même ba conférence. Soki ba tout nyonso ali moutawapi, je suis originaire du Congo. Ba, so, oh, na yebi, nazala, ba étudiant congolais. Les Congolais sont intelligents. Na koutala na antena professeur moko, ezala na Amérique, ezala na Europe, ezala na Asie. Na koutala na professeur moko te o atangi sa Congolais, ayebi sanga ke Congolais azama yele te. Bango nyo na koutala na bango yo ake non, les Congolais sont intelligents. Ba professeur Europe o yo ka, les Congolais sont intelligents, mais ils aiment beaucoup la SAP. Oyo bazali na Asie, na Amérique, ba yebili mingi mingi ba Congolais na SAP ti. Oyoka, non, les Congolais sont intelligents. Nga moko, natangi sa ba Congolais. Les Congolais sont intelligents. Mais, soki to koti na makamba politique, to zali na biyungwe belé. Les fanatiques, applaudisseurs, sans raison, moutazo beta maboko. Oh, mais yozo beta la Félix maboko, pourquoi? Oh non, on a famille Tshisekedi. Ah, Ndeko. On a famille Tshisekedi. Est-ce que vraiment, vous allez analyser que famille Iwana a la capacité vraiment de diriger le pays? Parce que Zali famille, il y a traître. Son père est né dans la trahison. Papa n'a pas Mobutu à juillet, à Lokotie, à juillet, à Tchie. À Balukeli Mobutu. Il y a Kanisa qui a été dominé par Nyata Mwane Kanga. Mubutu alaki siye keno nazali mungala ya solo. Soki maladi ya zalaka te, Mubutu soki maladi te, Mubutu azali toujours wana. Lelo telma lukuta izali regional, ekomano Tshisekedi ya bengana Mubutu. Ekomano Tshisekedi mutuayana demokrasi. Ekomano Tshisekedi pera demokrasi. Me oyo pera demokrasi andenge nini? Nandaku na ye, bana ba kosolate, ba lobate. Pera demokrasi ni na parti na ye, eleksyon moko ezalate, ye moko prezident a vi. Oyo demokrasi ni, demokrate nini, na kati wa parti na ye, opposition ezalakate, opoze ye babengani yo. Pera demokrasi. Toyebite, pera demokrasi on ezali, demokrasi ya kindoki, ou bien demokrasi ya ndenge nini. Bato balobi bokomi ko bete la chala mwana comme exemple na bino. On a dit que il semblerait na Congo classe comme gratuite. Il faut quand même ermo bo profiter na. Ceux qui aura ta classe, il faut ko profiter. Classe bo futa mbongo te. Nous on applaudit pas chala mwana. Biso to yebi ke chala mwana zali moto moko azana tozana confiance na yete. Parce que batu loko la batia la mwana ezali batu oyo ba pesi kanambe kilo mutu o aye na ba bot na mboka na biso batu loko la ba congolaise loko la tia la mwana ba pesi e kilo aya komone la ba congolais mais ce qui nous intéresse ndenge na uti ko lobango ezali nzembo na ye na kati bango na bango baswani kasai asui kasai FCC a suit IDPS. Milouvor a suit Milouvor. Voilà. Ça nous intéresse. Parce que ngai na bano kansake, biso batua kansake, bandeko o Etienne Tshisekedi atikeli biso. Oh my God. Bandeko o Etienne Tshisekedi atikeli biso. Bazali ba idio. Ka biso batua kansaka bongo. Nzo kande. Bango moko pe nakata ba Milouvor ba yemike ba kategori pe ezali. Dans ces groupes de milouvores, il y a des catégories. Tu as la catégorie où il y a Tchala Mwana, bazo soit catégorie ya Tshisekedi. Ça nous plaît. Parce que ton lobaki na bino, tout ce que Tchala Mwana a dit, nana tomu la moussapike ngayi na loba yangote. Fami Tshisekedi baza batrete. Ngana yebi sapino tozali batu. Bon, je suis quelqu'un en réalité na chaka mai na munoko nangati. Na tchaka maï na monokote. Na lobaka bien. Ba province nyonso, Kasai, Bandundu, Bakongo, Équateur, Oriental, Kivu, Katanga. Biso nyonso tozali ba Congolais. Mais na kati, lokola tozali ba Congolais, toyebani. Toyebani bizaleli. Ndenge na wuti koloba awa. Congolais nini o azo landangai. Akozala motema tranquille azwa mwana ya bébé akende kotika epa ya famille ya ba Congolais ya baluba atombola mosapi kezali ngai na yebisa kabino bandeko na biso moi je peux signer un contrat toyokani na ndeko na ngai ya ba Congo toyokani na ndeko na ngai ya Équateur toyokani na ndeko na ngai ya Kivu toyokani na ndeko na ngai ya Oriental toyokani na ndeko na ngai ya Katanga tosali contrat Dil biso mibale, mutema kimia, problème ezati. Toko continue, soki to lini to continue, to continue, soki to lini to continue te, toko yoka na ndeko bon na moma oyo, yo zui ya yo, nga na zui ya ngaye, bon toka bwana. Mais nani ndeko Congolais, o akozala mutema lez, de faire un deal nan ndeko kasayen, nani, atombo la musapi. Na zolo ba ngon experience, na zana ngon na Congo, nga na botami na Congo, na koli na Congo une partie d'étude na sali na sali na Congo na tambola ba province ebele bande ko na biso kasayen soko sali na ye cop na tango azali ye moko ya, ça pose pas problème so yo ki déjà groupe mususu na simana ye ba komi mwana etu mwana etu mwana etu mwana etu chibindi mwana etu chibindi mwana etu eyo tatu eyo eyo eyo maseba eyo eyo eyo maseba lobi na tongo cop wana ekomi ya bango Lobi na tongo bako yela yo ba dokima o eleki kutu ba orujino. Ezali ya bango basala yango yo kutu zate. Bandekwe bele balela. Bandekwe bele balela. Na pesa vino example ya batu balela. Oyo batu nyo bako nyo tumba yeba. UDPS. UDPS ya bandela banani. Chisekedi. Bambu wankem. Bali ya ba kibasa. Ba kiungu. UDPS. IDPS lelo e koma IDPS ya Tshisekedi. Boyebi ndenge IDPS e koma ya Tshisekedi. Na tango basali IDPS Tshisekedi azalaki ye moko. Na tango kasai bayoki na sima Tshisekedi mwana etu maseba tutu wetu betwa boya malukani malobi mpe moni kunzubo wa sanva pa tatu wani igo babandiko elimine moko bato onyoso bozoka oba bambwankem batobola bango misu na mobutu ce n'était pas mobutu c'était Tshisekedi combien de crimes bandeko na biso kasayen na IDPS basali contre ba fondateur ya IDPS juste souci na bango ezalaki ba éliminer tout le monde pour que IDPS tika la kaka IDPS kasayi L'UDPS historique à IDPS, et là qui fondait le col à parti Moussouté, le col à Pessaté, le col à Bakoté, le col à Palouté. IDPS est là qui un parti national qui basse à Zalaki Moutakasaïté, Mbankiem à Zalaki Moutakasaïté, Batouana Nyon Soba Kyungu à Zalaki Moutakasaïté. Les gens ne se demandent pas comment expliquer IDPS et Yegotika la IDPS Kasaï. Bandeko nyon so basala ki IDPS. Ba kenda ki na mozindo te na sociologie na biso. Ba kenda ki mozindo na sociologie na biso te. Ya koye ba ke, ya de groupe na mboka na biso basala ka na bango likita te. Okosala na ye likita soka azali ye moko. Soki bandeko na ye ba ye bi, likita wane okoma ya bango yo ba kwe karte yo. Swat ba bomi yo, swat ba ke, ba ye na ba vrai faux document. L'UDPS maintenant, IDPS Kasai, IDPS Tshisekedi. Bate bele bakufa na IDPS, babandeye ko tchangoka na mutu ya nani, ya Mobutu. Mobutu abomi. Mais en réalité, bele, ce n'était pas Mobutu. Et bele, c'était Tshisekedi na bande na ye abakasaye. Kabou yaladi. Natango ba sopi banzungu ya, ba, ya, ya milu na 10e ri limete. Soupe ya mama mwanza natango ba sopaki. Bino bolanda ki ba batwa ide pesite. Non, kabuya na bakabundu ba yela kabiso ba mbwa, poto lia mbwa, banzungu yango mama mwanza pe ye moko mama mwanza bima na video. Bukalenga, ba sopi bukalenga. E ba lobi, ba pesa kabiso diamba, ba pesi biso milu tole. Natango tole, ba timbi biso toke neko boma batu. Tobeta batu, nyonso bachaka ngona mtu ya nani? Ya kabila. Ezali kaka paske mboka oyo serie ezate. Soki serie ezali, ezali endispo na procureur. Batu tozo mwona babuwa ki mutu kelke par. Babomi mutu kelke par. Bozo changoka na mutu ya pouvoir kabila zo boma. Nzo kande idepes pe na kati, ba zo boma batu. Nga mtu na lobi yangote, batu idepes ba loba yango. Natango mkolo kabuya, akeneko sopa supu ya mboa. Tozali bandeko. Ba video ne tozo salango, to salango na monoko ya mboka na biso. To yebani. Nani kongole. Eza la biso batuvai na diaspora. Na diaspora na mutoki na yo ya iver. Ozui mwambongo na yo. Osomi mwa lupango na yo na Kongo. Ozo lupango na bon. Nga lokola na vai na diaspora na niko tika lupango na famite. Poso na tiki na famite desorde. Mutu na muta olinga yako vivre wana. Bon, yonde konanga ya muluba, zwa lupango, tale langa yope yaka, lokater, tale langa lupango. Mbula moko mi baleso zongi okuti lupango wana, seke Jezi de Nazareth akomi deja na bibwa. Akomi deja na Kinshasa na bibwa. Ozwi lupango na yo, otikeli ndeko na biso, kasaye muluba. 2 ans, ozongi okuti lupango wana ezali intact. Franchement, dès que zo mona ke lupango eza intact, tika makamunyo sa seke Jésus de Nazareth asia ye. Seke Jésus a ye, ba histoire na yoka, locataire, ba bayer na tango ba zozo batu na lupango, e bele batu na koza mutawa. Kombie ba wangana, nga neve na nga, a kenda na place moko a fute la ka wangana ke aza muluba. Awangana abeta ki Kongo na ndinga usagana te ondimati. Bayer na suka yeko yoka, papa yo kombo na yonani. O kombo na nga Chibindi. Ah, Chibindi pe na bandunu bazalaka. Bazalaka omoni kote ya. Par la suite bandekone bazo ya, yo kombo na yonani. O kombo na nga Ntumba. Ay bongo yo, o nga Kazari. Tibino bozandengeni. Balande la boye, papa yo kosa kinga poloni. Matata. Matata babi misaye na lupango. Nga mtu na benga. Alubi noko parlo ifuko edenga ye. Bayera yebi yo alandaka ba video na yo. Explique ke nga nazali nani. Na yibisa Bayer. Bayer pe aza mtu abandunute. Bayer mtu akivu. Na yibisa Bayer wana no. Azali neve nangai. Neve. Atuninga neve ya ndenge nini. Ngabi neve nanga makila weza epa nangai ezali epa na ye. Ah. Papa amuteme kiti. Papa amuteme kiti. Ngabi opona nini. Ngabi Yo okoli wapi. Okoli kaka kuna koto lobelaka soki na shin. Ayibi kutuplas na zalagate. Okoli koto lobelaka na shin kuna. Yo yibi bandeko na biso yote. Mabe ya nani. Ya biso batozo denonse bizaleli ya mabe, ou bien biso batozo denonse batozali mabe. Non, ezali batozo bazali na bizaleli wana, bo change bizaleli. Ya mwana zolo ba, mokolo mboka na biso eko kene na maboko ya batozo bazali serie. Un budget kolosal, ya edikasyon, il faut ezala alouwe na kasai. Budget mubimba, ya edikasyon. Éducation morale, il faut que nous nakasai. Oti kalopango na yo bateki, oya okuta mikanda ekomi ya kazadi. Élection ele kabouge, bango ba fofile na sima sima, ba komi ba président. Pe bazo tia mounoko makasi. Tia la mwana aye kolobela bino, c'est entre vous. Ezo concerné biso te, mais si ko bokomi ko benga biso boya. Ah, toya. Toza soso ba yakate, toza soso ba cuisinier te. Ba enete ba tribaliste te ba ndoki te ba nyangala kata te. Non, e bandi na onte. Bobeleli na onte. Bobeleli na onte boko belela. Faute ya nani? Faute ya nani? Combien de vidéos ba live combien ba congolais ba sali? Ba audio combien ba congolais ba sali? Ba WhatsApp échange combien ba congolais ba sali? Pona ko expliquer na Tshisekedi ke côté okay ezali faut pas longwa rapidement. Mais maintenant c'est tard. Maintenant c'est tard, ezali trop tard. Yona Kabila boko kufa elongo. Trop tard, mouta ko sauve azati. Ces Congolais qui viennent pour la consultation, il y a deux groupes. Disons trois groupes. Il y a un groupe Batwanzala. Bazo kan sa soki baye, a rozo moi quelque chose. Effectivement, bozo pe sa bango. Ba député bazo na $7,000, bozo pe sa bango. Alors, ezalinde nzala mbongo, lokoso ya mbongo, mouta ezo mema Congolais ya na consultation. Moussousou Bazoya Bazali ba traître le kola bino. Par exemple, Bemba, Azali traître, c'est même catégorie ba famille moko, Katumbi, la même chose, criminel économique. Alors, il y a des ceux qui viennent, titre naïe ndenge yebani, le kola mokwege, ambassadeur, prix Nobel. Alors, prix Nobel quand même, il faut alakisa, apparence que non. Azali pour Moutoumo côté, Azali les deux côtés, côté peuple na côté ba criminel. Parce qu'il travaille au Congo, à Boi, balayé la ye, batinda we wa moko ya koboma ye, il fallait ya. Mais Nathan Waye, il vous a dit ça, il a dit à votre idiot, il a dit bon, ce que Olingi Makambwe Simba demande ya gouvernement congolais pour ONI a institué tribunal spécial pour le Congo. Naba crime ya Congo. Idiot nabino. Ao salamo. Bon, si a boya, ye, il faut protéger roi na ye. Protéger nzambe na ye. Eza la nzamba zo beta ya zo nyoko la ye. Non, non, non. Ya lingi li bala na ye. Félix a lingi li bala na ye. Yali yo kabonate. Tellement ma kofi eleki mingi yango a zo benga batu ba conseiller ba ya kokota. Ba ya kokota ba pesa conseil. Soki pe ba conseiller ba ye ba. Bon, li bala ngo na moni zo nyoko ma mingi. Alors, toko ma mukanda ya divorce, boka bwana. Te, na zo vanda kaka po na bana. Soko yoki deja mama akomi bongo. Keno, na zo vanda kaka po na bana. Lukuta, a zo vanda po na bana te. Alinginde mubali na ye. Paske bana men boka bwani. Bana bazali bana. Men boka bwani. Bosi bo mwona li bala batu bakaboli bana. Bakabula bana te. Bana soki bokabwani, bana baza mikolo, bana mutu na mutaza independa. So baza bana miki, mingi mimba, mama batu basimba la bana. Me papa ifo tinda mbongo ya bana olia. Alors, soko yoki mama, ba rapor mikolonioso, mubali yo lobi ya betinga, lobi kuna betinga, asalinga boy, asalinga boy, asalinga boy. Bon, ba rapor pe leki, li bana ngo bana bo balana, kaka matata, matata, matata, bitumba, bitumba, bitumba. Bon, tozo kende siko, tozo ngisa mbongo na bango, o babala. Tozo ngisa mbongo na bango, to senga divorce. Te, bo senga divorce, te, na zo vanda kaka po na bana, muyibi. Mama o waza mulukuta, ezali kamba bana te, alingi mubali na ye. C'est pareil avec Félix. Bato azo bengisa o bazali conscient lokola docteur Mukwege. Mukwege lui a dit mais boka bwana rapport mapping pe boka bwana abi noto boka bwana te bo pesa yende conseil basango baye bon makambango pe bo bandi bandakala biso toloba toloba lokola pe toza basango biso pe botala kaka ba ordre utaka na Vatican to sala boni. Siko liba lango, boboni ndenge nini. Boka bwana kaka. O te, toka bwana te. Boke nende ko lobe la ye. Ba lobe la ye nini. Yozo funda kaka mikolo no chiko funda. Boka bwana, toka bwana te. Adi. O lingine mbali na yo. O nyo soba zo ganga. Wa, wa, wa, wa, wa, wa. Ba milu. So yiba li milu vor. Ba komi pe ko ganga. Lokwa ba milu. In kones pa kes ki se pas. Le ridio wa lingi mbali na ye. A lingi kabila. A lingi de ba bondi la mbali. Mubali pe alobia, nzeto matela ki yango pe ko kitela oko sotete oko sotete o sote obukani mino obukani makolo obukani mino alors choix e pa na yo olingi nini o sote ou bien o kita kaka ndenge o mataki ndenge pe totika yo kita ambara mayazwa décision exacte tozo zela ba consultation ango ndenge nini parce que ndeto monela ki a lire c'est comme si les consultations devraient prendre une semaine mais tozo kende siko 2 3 semaines ndenge nini tozo zela décision to vandi na sans tali dame tozo zela décision tozo zela décision to yoka so zali mubali zwa décision totale yo moko pe mutalo baki oh non, ba politicien, biso tozali ba politicien, oh ba kitisela kabila pantalote. Nana yoka es Félix na ça s'appelle comment Angile la Terre Sainte-Thérèse. Nana yoka Félix Bongote. Biso tozali ba politicien oh ba kitisela kabila pantalote. Lelo nani azo kitisela kabila pantalon. Nani azo kitisela kabila pantalon. Voilà, mes chers amis. Tozo ya kaka ndenge batu ya Bible balobaka ko lendisa tozo ya ko lendisa mikolo nyonso ko lendisa bandeko na biso ba comprendre surtout ba bo frère na ngai ba comprendre ke nzela bazali ko kende nzela na bango ezali mabe ba senga pardon mais pardon ba ko senga ezali te ke biso to ya to tia maboko na betizo basali te ba senga pardon mais ndeko na bango na mobali na ye kabila bango nyoso na bisika bikauka Kongo wana batu oyo balingi Kongo bakoya batu oyo bazali miyibi te bakoya kabila zo tia biso bakaka kabila zo tia biso bakal obe bakal kabila lingi te Felix Asala kabila lingi te lokuta miyibi bandoki beskro soyi kabila zo tia bino bakal vraiment na présidence pe kabila mutu zo tia bino bakal Kabila Moutouaye qu'on nomme plus de 600 conseillers. 57 millions Kabila Moutouaye si on n'est pas libanais. 15 millions à rétrocommission. Kabila Pe Moutouaye bisi binombo yiba. Dépassement budgétaire il y a 2000%. Et Zalipe Kabila Moutouaye bosa un dépassement budgétaire 2000%. Bilonda, conseiller naye économique à Kossi. Alobi non. Na dépassement wana il y a aussi les salaires de Kabila c'est pas vrai le ministre des finances a yekobim ça va papier à témoigner alobi non salaire ya Kabila ezo uta na présidente Kabila azali payé directement na ministère de la finance directement ministère de la finance et kayi na compte ya Kabila mais tellement bato yo bazali lukuta ba botama nango na kati ya makila l'homme de 50 notes techniques par semaine alobi non salaire ce qui dépassement budgétaire ezali c'est à cause du salaire ya Kabila c'est pas vrai ministre de la finance alobi mais comment to futa à Kabila te à travers budget ya présidence to futa à Kabila directement na ministère de la finance et keimba la moko na compte ya Kabila dépassement budgétaire na président ne concerne que Félix bon wana pe Kabila mutalobi bo dépasser budget na maison civile Moussalani ni maison civile, moi si na yo, bande kona yo, bazo sala pona pays. Dépassement budgétaire ya 1400%. Wana pe Kabila, moutalobi bo sala dépassement wana? Désordre na présidence. Kabila pe moutazo sala désordre na kata présidence. On pouvait voir que Félix a zana bonne volonté. Kabila zo empêché ye. Si, c'est le massi. Tomona yke gestion ezali malamu na budget na présidence. Félix a zo géré présidence malamu. Mbongo a présidence ezo kende nyonso ezo sala mosala ndenge longo bayi. Dépassement budgétaire ezate. Moyibi ezate. Wana nangai. Boko mona ngai na télévision coréenne na koloba oui. Bandeko nyonso balinga kende ko investir na Congo. Boko kende ko investir. Po na remarquer rigueur ya gestion ya présidence. Mais na niveau national azo géré malamu te parce que Kabila azo tchaye bakal. Mais tout le monde a la présidence na yo moko désordre total. Mouyibi mbongwe lekate, mouyibi partout, yo moko mouyibi. Mbongwe zo kende pa mama na yo. Mama na yo asala ka mosala nini po azo ka salaire. Qu'est-ce que cette femme Martha fait pour le pays pour que Martha zala na salaire? Mama nga er moko bandele ko sukula ba bisturi ya er moko. Ba dimanche soki au hôpital ba tinyo bazo pema samedi dimanche. Papa nga ba bandele ko betela ye porte ba butu. Butu butu bazo betela papa nga porte ba yena mutu kuna moyen te alagoni. Mais okosala ndenge nini? Papa nga bandele ko ela musa ba infirmier te. Papa nga ko benga mama nga yi yaka. Ale zwa alcool ba benga ngoso ki alcool iodé. Cha plaso zwa ba bisturi oyo cha wana zwa oyo cha wana zwa ba serengo cha wana mama nanga tiko zwa salaire moi sa Tshisekedi a fait quoi dans ce pays na mboka na bango na Angola place azali ba congolais bazo souffrir combien de congolais bazo refouler combien de congolais bazali ko boma na Angola bangolais oui bazali ba frère na biso. Na ba pays nyoso limitrophe ya mboka na biso même si bangolais er moko mabe sala maka na immigration na bango mais en tout cas Angola ezali parmi moi ba pays toza nango confiance mais mutu na mutazali na mboka na ye ezaka kana Congo ba Libanais bazoya bazozo ba mbongo azala Angola ko ya kozwa mbongo na ndenga moyi ba Congolais pe bakena na Angola bazwa ka mbongo na ba Congolais bazwa mbongo na politique ya Angola te. Ba Congolais bazwa ka mbongo na misala kote ka biloko na bango na motoki na bango na politique ya Angola te. Alors batu ba kopesa confiance ndenge nini? Parce que même ba diplomate o ba vandi bazo pesa ba rapport na bamboka na bango. J'ai dit ça à une télévision na Corée, un journaliste qui m'a appelé. To sa la mission pour na Congo. To sololi na ye. Ayebisinga me nakutani na mutu moko sango moko ayebisinga yi na Congo ça va président ya sika azana volonté a aider mboka nga na tunye me sango na bokutani ne wapi oto kutana na Bangkok. Excusez-moi pesa nga na komba sango wana na yo akombo kazali na ayebisi etala kazali wana zali milovor akondimate obengi sango azali vraiment sango bi. Et pardon, ban tozali na live, ban abazali. Na ebisye, bon, test, zwa ordinateur. Ngape na zwa ordinateur. Zwa page boye. Ta la gestion ya présidence ya Congo. Ta la mbongo. Era komika kana mbongo 57 millions ba pesa na Libanais. Korea simbi suki. Azo ningisa suki. Azo ningisa suki. Ce n'est pas possible. 57 millions. 57 millions, on a 57 millions, il y a Mbongo, il y a Congo, ou bien 57 millions, il y a dollars, ou bien euros. Il y a 57 millions de dollars américains. Coréen, il y a c'est foutu. Afrique, vous avez développé. C'est foutu. Mais pourquoi? Vous pensez à Libanais. Na Liban, kuna Congolais, ni na Liban, si a zoa même un centime, il y a gouvernement Libanais. A tombe le Moussapi. Combien bande qu'on a biso basi bazo bo mala Liban. Na Congo, Félix prend cet argent ba kabola na Libanais. Lokola na Congo ba ingénieur bazate. Na lokola na Congo bande qu'on a biso ya IBTP. Moi je connais des ingénieurs. Je connais des ingénieurs. Je connais des architectes. Basilisa na IBTP des architectes qualifiés ce qui va tonger lyonda ce qui va tonger lyonda est-ce que ba congolais on a vraiment baza capable été ya ko pesa bango marché on a 57 millions oyo bino ba architecte bozoa bo tongela biso ba ndako préfabriqué Chani Metal ce qui bo pesa Chani Metal même 30 millions ya pamba Chani Metal ba ko sala ba tolo wana te. Il faut bo pesa mbongo pa Libanais akende na Turquie akende ko sombela bino batol Chani Metal ya ko sala batol wana te na expliquer coréen expliquer coréen ebishinga professeur Tika émission ango na zo ebisa kutu directeur à programme émission ana po on croyait que président wana za mutu malamu mais ndengo expliquer nga o pesinga pe ba référence ya yote ya bato mususu procès yango. Deux jours après les journalistes ayez au landanga lobby, na solo na ambassade na biso na Congo. ambassade ya Corée na Congo. Bayebisi biso, oyo azali awa aza président te. Aza président te, aza mouyibi. Bon, Coréen pe, Yesu déjà souri, apesa yo confiance, dès que zo yibi sa yende gwana, oyo ka, na pa, shibaloma. Alors, pour nous aussi, ça va comme encore, pour nous aussi, ça. Na sepeli lelo bandeko ebele même si ezali na mingi te baza na courage na ndeko moko akomeli ngai ya parti ya France akomi na page na biso alobi no azana musala na kompani ya bakoreya babenga yango Kumo. Kumo eza kompani oyo basalaka bapine eza parmi bakompani ya makasi na monde na groupe ba Michelin bakumo basala bapine ba voiture bapine ba avion. Alors, cette Congolaise travaille na compagnie à Bakoreye Kumo, mais na France. Alobi, bon, prof, Batebele, Bazofinga yo, Ozali Ndenge, Ozolobakate, mais nga moko, na kata compagnie, place ba engagé ngai, na tuni Bakoreyen, mais réaction à Bakoreyen, oh, na yoki. Vraiment, et pesinga sengo makasi à cause de la Congolaise. Et pessinga courage makasi. Et pourtant, yo ebi batouana te. Mais bango ba ebi. Bango moko ba koreye. Ba la ki singaï. Voilà qui est monsieur Yombi. Kore mo bimba. Biso to respecta ka ye. Mais ce sont des Coréens qui vivent en Europe. Donc, moi, j'ai dit Coréen. So, koutani na Coréen. Coréen bazali lelo 70 millions d'habitants. Ba koreye baza partout dans le monde. So, koutani na Coréen. Au tout nier, monsieur Yombi, soit Ebi, soit Ebi, monsieur Yombi, c'est que Coréen, on a za Coréen du Nord. Parce que ma Coréen du Nord, elle m'a dit, Libanda, pour éviter ma Kamboya immigration, ils se font passer pour des Coréens du Sud. Mais au fait, baza ma Coréen du Nord. Alors, mais un vrai Coréen du Sud, soit Koutani naïe, soit tout nier, monsieur Yombi, à lui, naïe, monsieur Yombi, c'est qu'à Botami, il y a de cela 2 ans. C'est qu'à Botami, il y a de cela 2 ans. Tozali batu moko na mboka ya Corée et sika nyonso tozali kokende paparazi. Paparazi, batu bazo landa yo. Ah, voiture fait à la noire. Ok, na université, batu o bakina université, sika na tangisaka. Les Congolais, parce que les Congolais balinga kolobela muninga na bango Congolais te. Même bazo bo mayo, ayebi vérité, akoloba te. Aoyaka na inbox, ah prof, akolandaka batu te, biso batu yebi te. Mais yo yebi ngai yo lobaka te, pourquoi? Olobaka te, pourquoi? Na ban sensei, la sensei à université, ba comment? Okomona soki oyé pona professeur Yombi, soki ezali makambo académique, oui. Soki ezali makambo académique, te. Vient le samedi et dimanche à Sancerre, dans la porte d'entrée, Ezali. Et bon, qu'il y a une université, on a screen, écran géant, la porte d'entrée à l'université Ezali. Et si on a Ezali, bah fait la circulation. Si on a télémé, si on a un écran géant, on a bilo que chaque fois, chaque, je pense, après. 2 minutes, au comment la photo n'a pas eu circulé. Au comment na et na ligne que le ma commentaire te, bandeko ba vandi kuna ba kende. Au tala commentaire ni université bazo koma. Écran géant, c'est-à-dire que mutunyo sa zole la, azole kana boulevard, boulevard ezawana. Azo mona qu'est-ce qu'on écrit? Ce que kei na Myeongdong, na station ya métro ya Myeongdong, au comment la silhouette n'a pas eu. Na station ya métro na se a Liboulou na se a Mabele direction ya kotuna direction ya okende site boye sorti boye sorti boye okomona place na bakoma exit likolo silhouette na ngai batiatia na métro ezali ezali nga mutu na se nga bango batiatia te. Ils ont estimé que mutu oyo azali n'estime. Pona biso, mutu oyo azali mutu, azali elilingi ya pamba te. Et voilà, combien na Corée ba ebisangai prof pesa ya candidature na présidence. Combien? Coréen, ebele, université, ba professeur, ba étudiant, partout, prof, pesakaka. Non, nga nazali congolais. Nga nazali congolais. Nazali congolais. Parce que lelo so komi une autorité coréenne, donc bosana Congo libela. Parce que bango double nationalité ezalaka te. Bango double nationalité ezalaka te. Voilà. Toza ma souci ya mboka na biso Congo, soki tozo bima koloba ezali pona elenga koloba te, tozali kolobela bino bandeko na biso ke bozali na direction ya mabe, bozali na conception ya mabe, bozali na analyse ya mabe. Bomoni sikoyo analyse ya mabe soki réellement bozali conscient. Peut-être na ebandeli et rozu ben information zo mona ke bozali na raison. Mais ba événement ndenge zo kende. Ce qui se passe sur le terrain, ceux qui vraiment vous allez conscient, il faut boti kande kona boye bisaye que tika ça ne va pas. Du point de vue intellectuel, ça ne va pas. Expérience, ça ne va pas. Mouyibi awa pe pay, lokuta pe pay. Ezali boyete. Voilà, merci beaucoup mes chers amis. Bandeko oyo bazali na Facebook ou bas abonner na antenne à page na biso prof Yombi Vision, abonnez-vous, vous cliquez pe notification. Bah oh déjà bazali na YouTube, merci beaucoup, partagez avec les autres amis. Tokoya kaka ezala Félix Akéi parce que Kabila zobo ma Félix na zolo bango na zo sala blague te Kabila akobo ma Félix après Félix, oyo pe akoya, soki pe azali akozale lilingi ya pamba, boko mona ngai. Ezala azali moto a bandundu, ba Congo, Équateur, place nyonso. Exemple nga na pesa, je ne suis pas complaisant. Ezala azali membre a famille nanga. Ba membre a famille nanga ba yebi. Naza complaisante. Moi je m'attaque. Je m'attaque na Mouzito. Mais Mouzito azali membre ya famille ya mama ya bana na ngai. Nazi bapelle ebele depuis ozo attaquer beau-frère na yo parce que nga ba beau-frère nga côté msou baluba. Ba beau-frère nga côté msou ba pende. Po mama bana nga za mupende. Famille ya Gizenga. O nyoso ba yebi leta na matete. Famille ya mama bana ngai. Toujours, moi j'étais contre Gizenga. Banda zonga na rishi. Tremblement de terre. Kozonga zonga kekuna na mateta vanda libela na ndako. Ti aye ko accepter a appuyer un Rwandais, Rwanda comme na force. Nazala toujours contre Gizenga. Na ndako na ngai bande kozala benda bika na Kinshasa. Ba beau-frère na ngaso ba wuti ko kengela Gizenga la limete. Ava bazonga kingasani baneko leka na njili. Bakati mai ya nzela ko kata prince te bakati matete. Kuna bakati mai ya njili. Baleke pa na biso epa na ngana quartier 1. Balambe la bango ti. Ba mela pre ba kende. Me erba yeko mela ti. Olie ba vanda kaka baze la ti. Me discussion ya Gizenga. Gizenga bli mwaka Gizenga. Mwa komsa sa m'arrange pa. Combien de fois discussion mkromso na bengana bango. Mukomsu na bimisa bango tipe ba melate. Lelo ba koma ko pesa nga raison ti Gizenga kufi. Bango nyoso bano ko kengela Gizenga mbula butu nyoso moi. Mutu mokote azo ata poste ya kokombola ta biro. Lelo ba koma bo frère ozalaka na yo na raison omona ki na yo musika. C'est de même avec Mouzito. Batu bazo benganga me prof pourquoi zo attaquer Mouzito? Mouzito za mutu bandulu. Moi je ne suis pas régionaliste. Nazare journaliste était. Moi, j'ai dit et j'ai dit ça à Fayoulou. Tosolola qui na Fayoulou, je lui ai dit, Mouzito azali mouta confiance te. Mouzito, c'est un traître. Mouzito, c'est parmi batu oyo ba pesi Kabila poa. Mouzito a outi pa Kabila. Poste eza susute. Premier ministre. Kabila boye batie moutou moussousou. Mouzito a kati balabala komi na opposition. Mouzito a komi sain. Mouzito a komi sain. Mais non, Congolais. Congolais na yebite Congolais azali ndenge nini. Donc, ngai même ozali mouta bandundu, même ozali mouta yawa. Les gens qui me disent non, yo ozali mouta Fayulu. Nga za mouta Fayulu, t'es? J'ai parlé avec Fayulu, je parle avec Fayulu. Et Fayulu, ce qui azali na mémoire mukolo akoloba, il peut dire, il m'a dit ozali le premier Congolais qui me dit ba vérité à boye. Parce que belé bazali ba flatter. Ayebi très bien que Fayulu na popularité a komi nango, ce qui na bengi tika na flatté, ah président Eli, président vraiment ozali na bonne direction, président ozali simana yo, mabe moko ezate kende ka liboso, ba menteur, ba flatteur. Moi je lui ai dit ça. Ozo mené politique ya Etienne Tshisekedi. Or politique ya Etienne Tshisekedi yango pe contribuer na malheur ya mboka na biso. Otangi, pourquoi ne pas innover aux gens la popularité, innove ta politique? Pourquoi qu'on a la politique Etienne Tshisekedi? Ba plein, ba tout ba ya rotonda, ce que outil les banda, ba tonda, yo wana zo mona ça va, obina, ça va. Mais non, c'est pas ça la politique moderne. Wana za politique ya 1960 aux Hollanda, ya ba Gizenga, ya ba Tshisekedi. Et autour de toi, mozi toi ça mouta confiance, t'es. Est-ce que vraiment na Congo mobimba ndeke to vandi? Moto oya ko yiko ede yo akoza na pembeni na yo 100 millions d'habitants na diaspora batebeli na Congo na biso des universitaires bazali wana bat bazana experience bazali wana bazate moto oya akoza na pembeni na yo po a ede yo c'est mozito. Donc ça ma wamingi hein, mais est-ce que faut-il modérer ou bien comment? Parce que il faut continuer à dénoncer ma bé. Parce qu'il ne faut pas dénoncer la famille Tshisekedi et yo nasima ozo sala makambo oyo ba famille Tshisekedi bazo sala. Il ne faut pas dénoncer ba luba yo pe mutabandundu nasima ya Fayulu nasima ya Mozito. Ozo supporter bango parce que bazali batabandundu, mais ozo dénoncer baluba parce que bazo supporter Tshisekedi. Batwa ndengo na reaka bango na liste na ngai. Ce que ozali ko condamner comportement ba dekona biso baluba, bazo supporter avec le match Tshisekedi. Mais yo pe il faut une analyse malamu ozali mutabandundu. Pourquoi ozo supporter Mozito? Yebisangai, nana yebisanga même na inbox, qu'est-ce que Mozito a apporté pour ce pays pour que yo aussi porté ye, azala ki na pouvoir, na noko na ye gizenga, omoni clarté, ye moko premier ministre, omoni clarté. Alors, qu'est-ce que yasika o ekotie pa ya Mozito, que lelo, ce qui a joué sous ce pouvoir, a ko changé mboka na biso, nani, Mozito reste Mozito? Mozito reste Mozito. Natala kabato mususu o prof omoni. Chez moi, omoni ezate. Eza lozali membre famille nanga. Eza lozali province moko nanga. Eza lozali ethnie moko nanga. Moi, je dénonce des gens. Moi, je suis même ethnie avec des Kikatangima. Kikatangima avec moi et Simbakate. Parce qu'à cette époque, et aux Zaki, ben étudiant, er moko zo mona moi, kolanda moi mokeme, toye ko mona libanda, toye ko mona clair ndengezali. Mais ce sont des gens qui utilisent ba tribi na bango, betni na bango, pona ba fin politique na bango moko, na er azui e sikawana, ko mona ye komi problème, ko pesa mbote komi problème. Moi, j'ai écrit une lettre à Kikatangima. Azali, na Kishasa. Je sais, batunaye, me vie. Ba bengangai pourquoi o lobeli vie. Maintenant, lobeli parce que comportement n'est pas malamouté. Ngai, j'ai sauvé Kikata. Pour ba longolaye. Un père. Bo face à Djema, salisa réunion, ya ba étudiant, ya un père. Ba sa la marche. Kikata ngima erona gouverneur, vice-gouverneur ya banque. Bo face à jaloux. Aye o corrompre ba étudiant. Il y a une université, il y a un institut. Il y a marche contre Kikata parce que Kikata est vice-président, il y a chargé d'idéologie et un père. Il y a vice-président de la Banque nationale, mais il n'y a pas rien pour un étudiant, soi-disant, pour un étudiant, il y a un père. Tout ça, la marche, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. na yoka na kenda na lukaye boyebi kaka bato bazala ko tour ya chef mais tozali mboka moko tozali mboka moko. Ah non, petit gouverneur a occupé, ah petit zela kaka, olingini ni koma kaka troye bisaye. Ah bon? Bon, voilà. Bino ozo kanzi na yego senga mbongo. Erwana, nazaki na ba pantolon a madofolo na sima. Etudiant, na ba pantolon a madofolo mi balé na sima. Mais na quartier bazo yeba ke ndeko ya ki katangima. Si y a un problème, qui katangi mazolo ka popularité, ba jipe kote le maliboso andako, ba yeli Patrick. Patrick, c'est moi. Ba nanji li quartier 12, ba yebi. Ba jipe zo tele maliboso. Mais étudiant oyo triko moko, ba pantala madofolo. Mais ba jipo ya bato yen père oyo, ba zo ya awa. Mais ba pesa ka ya te lo kote. Na komeli bango bo yebi sa ye, ha? Ba étudiant yen père, ba zo marché contre ye. Voilà li kamdenge zali. Na zonga, ko zonga na zonga boyebi ke butu butu ba jipe tonda balabala mobimba. Ba jipe tonda balabala mobimba. Na lala. Koko mwanda kunanga mwa studio na maneko lala. Na fungula misu boyeba torche kikata. Petit, pourquoi osalaka boye? Yona loba d'abord ko vanda wate, ya ko vanda na ndako epananga na monga liema. Mukolonina senga na kufaka ba politisye kongole no batu mukwabu kikata ba unika kasambla ko ganga tellement batoni na balabala kikata zo ganga petit okuyi ko fanda na ba situation aboyete na yebisa ke yoka na ndako na monga fula et pourtant 2-3 mois avant na komela ye mukanda a defisanga $100 vice gouverneur ya banque. Je lui ai écrit une lettre à Defisanga $100. La lettre que j'ai écrite na maboko pe, na machine te na maboko na papier duplicateur na komela ye. Nazana nyongo na université ya $100, soki ezate na kosala examen te. Nazalaka na première licence. Soki ezate na kosala examen te. Defisanga yi. Nazana ngote siko na ebi jour na kozongisa te. Mais un jour na kozongisa soit te pa na yo moko. Soit te pa ya bana na yo na kozongisa pardon defisangai na zo lettre na secrétaire particulier na ye na pesa réponse exacte je croyais que azoate mukolo wana era yo ki ke balinko marché po na ye d'ailleurs petit pourquoi ko yoko komelanga lettre ndengwana bureau wana ezali bureau na yo tu peux entrer comme tu veux la maison c'est ta maison tu peux venir biloko ba tieringai tu peux manger Et mbongo kuto senga ki, tu avais demandé combien $100, mais je t'ai envoyé, je pense, $500. J'ai donné à la cité Comboté, j'ai donné à la secrétaire Père Télémy. Nata la secrétaire, le secrétaire a fini à l'issu. Nata ki katazo solana batumususu. Secrétaire a ebi singa peti, ou ebi vien a yote. Atika la ko pesa ngate, na pesa ye lettre. Na pesa ye lettre a reponda te a kiti sa koutou lettre na mesa. Bon, azali ndeko yifu to sauve. Na butu a pesa nga jeep. Na ba policier mi balé, ba garde civil à cette époque. Mi balé. To tambula campus, IEC, IBTP, IPEN, IELK, Université protestante. Kozwa ba président ya impère nyonso na kende ko tchabango na lemba super lemba na ndako moko na tchabango wana butu to matamo ngafula na epa kikata appelé mo butu na présence na bisonyo to vandi boye libanda na payote na butu kikata appelé mo butu voilà ce qui se passe kikata appelé tout le monde ba idambito ba oyo akufa moto auto akufa wana ya katanga wana Batu nyoso ya impère wana. Voilà ce que Bofasa me fait. J'ai des preuves. Les étudiants sont ici. Ils ont témoigné. Menit, idambito aya. Tovandika boye kikata kotinga na ndako idambito. Yoka peti. Bon, tout ça, l'andengenini. Contre-corruption. Qui kata pesa na minute ou en transport. $200, $200 na président nyonso ya ya impère ya ba université nyonso. Mbongo na bino ba enveloppe royal lobby. Mi balé na bino ba ya na bureau na banque. Jeep na disposition ya yo Patrick. Kende ko somba ba rama papier pour na ba étudiant. Na kenda na magasin ba libanais to somba ba paquet ba carton ya ba rame de papier pour na ba étudiant. To pesa bango. Et par la suite $500, $500. Oye baka eron étudiant. Ngai étudiant na madofolo de madofolo na sima pantalon. Ba beti yo $500. Na 200 ozwa ki na butu. E komi combien? 700. Na bima mvwa mana. Telman na zaki te mtu moko ko landa landa basite. Me na bima patron na quartier. Na somba mbetu. Po na banayola la na se. Na somba mbetu. Na somba mousse. Na somba dra. Na somba kiti. Vous comprenez? Mais Nathan on a bimi libanda, j'ai compris que non, ce n'est pas comme ça payer que comme marché. Et ça la zande konanga. Moi avec ikatangi matoyo kana te. Moi courant yé ko passer moké parce que à rejoindre sikoyo côté peuple. Mais avant cela, ça ne marchait pas. Na moni déjà ndekonanga moko atindele nga message na zo mona ye yaya ifuna loba biloko yango no azande kokoloba te non ma beso ke zali futo loba kikata est intelligent mais ils ont utilisé cette intelligence dans le mal konyata nyata baninga bana ba matate konyata. Donner à ton frère un $100 pour un gouverneur de la banque, ça fait quoi? Vous avez bien dit que vous avez fait un histoire. Il y a une histoire, mais ça donne. Ça fait mal, mais. Et puis, ça laisse la bande de courage à vie. Vous avez bien dit que vous avez fait un Minerval. Na kenda na wenze moko na keluka kamarade moko. Wenze a poste. Bato ba yebi wenze a poste na ville. Na sima grande poste. Wenze moko bateka ba papier. Mutwa liboma akabela nga $100. Mutwa liboma. Bande konyoso o balanda nga soki bata wenze a poste bazali bako temwani. Mutu ya liboma. Na tongo na ville verba 8h. Na vanda na zo zela peut-être 8h30 ben 9h na ke neko senge pa vie moko bana osala na Petro Zaire a defisa nga $100 na futa Minerval tongo tongo na oke te na vanda na momoke e pa camarade moko na wenze mutu ali boma na balabala zoya batu bazo kima camarade bega Patrick kima deja sa pembe ni moyena kima ezate na telemi contre Mesa mutu ali boma telema e bisanga na zana mbongo pesa nga mbongo je ne comprends rien. Qui m'a coupé taio, mouta libo ma salité, solo ma bende nanzoto. Na mona kaka, comment est-ce qu'il a fait na yebite? Mouta benda papier à $100 ya sika, ape singa ipe sangambongo. Directement, intuition moko yelinga, camarade wana mbongo azalaki, na mouni batbate karabachaka mbongo place moko boui, na bandai komona. Na fungoli place a tchaki mbongo, na zui mbongo na Zaïr. Na zui mbongo na zaate kaipe mbongo mingite mbongo muke na zai na zui kaka na yeba ite kombe na zui na pesi mutaliboma bandi mbangu batu bapanzani. Batu baya apesi yonini $100. Bandeko. Kamarado wana auti wakufa kala mingite. Kombo na ye kowe. Kamarado wana ayibisi nga Patrick na teyi kutu mbongo mingite mbongo wana kutu pesi yeza muke. Kaka sikoyo. Zwa taxi kene ko sa l'examen. Jour y examen. 8h nga dans la ville. Zwa taxi. Changer. On écoute na changer. A bengi mwasi moko. Mwasi on a kobo sa na yete. Parce que za yina histoire. Nga na kaka livre. Nga moko na koma kombo na ye. Komo na ye mboyo. Kamarado wana kowe a benga mboyo wana. Yaka pesa Zaïr moko zana nga mabo. Pesa ya futa taxi. Na kanga taxi na grand poste wana. Tina université. na komi deja examen bandi katikati na leka na bureau na futi minerval ba pesinga reçu na koti na kata sal na sal examen professeur a comprendre nga ba msusu ba bima yoto ko bakso 30 minutes to tikala na ba surveiller nga na zo 6 examen ba tinoso ba bimi na zoa me bande ko na luka mutu ali boma wana tina longwa Congo tina tango na yeko zwa mambongo na zwi musala na luka mutu ali boma wana mutu moko atikala ko mona Yesu sute mutu moko atikala ko mona mutu ali boma wana te alors il y a des choses ngai na koyiko vanda boy na koyiko lingate kongole mususu na mboka na ye a traverser ba vie wana j'ai souffert nazalaki na Congo j'ai souffert mais lelo oyo franchement je me dis nazali pauvreté nazali périchité nazali pauvreté nazali richité lelo oyo na koyiko kene je suis capable okay na magasin na kei na usine na montage place ba monta ba camion camion asika na sachet na somba na no camion occasion te ah oui na somba pardon j'ai acheté une voiture d'occasion na Canada pour ndenge na Canada Canada wana na tambula na ngo mais na mboka kore na tika osomba camion d'occasion te ngana kenda osomba camion na magasin bilamba madofolo ba pantalon madofolo na zana mosute j'ai plus de 25 vestes. Je souffre pas. Mais souffrance oyo na traversé na Congo. Na kuyiko lingango jamais un étudiant a traversé yango. Parce que il faut za na motema po supporter o kan motema continuer classe. Combien ba yebisanga ba décourager nga. Cet ami na zo cité ba na ko teka na wenzo wana. C'était mon meilleur ami. Na ba na ko lia e pa na bango e pa na ye. Outi classe il faut le kanan e pa na ye olé. Après oké okay, lala. Bandeko ya mubali na ye er moko bazana nzala. Mais mwasi wana mwasi na ye azo lamba biloko, azo tika biloko ya Patrick. Na uti klas, na le kikuna na le, na keko lala. Po nazalaki na motema ya makasi, nazalaki na force ya kolukate, ya kokeneko tekate, ya kokeneko sala, ya koshayete. Espoir nanga izalaki ka na classe. Ba dekourajanga mbalebele, tika kaka, mwanda mabongo zui, tika kaka biloko sala, kende Angola, Angola na mata na kasavubu, na mata na bakamyo ya kenda ka Angola, na ke luka diama. To sala bagaj na mata, kamyo ya demare, batasuka ba mata. Esprit kaka yelinga na kiti na okende sute. Bagage kenda. Kamarado tenyo kende ya kamo ya bim patik nini. Kindo kite. Biloko ke ina se. Zana se akanyo. Babi misabili oso bapiso bagage na bi. Ekende kaka. Na okende te. Mukolo kamyo pa alobi na gozongi sa tikete. Probleme zate gozongi sa te. Na zonga. Na Mariano. Na matana kamyo okende Angola. Na zonga. Po souffrance le kaki mwanda mabongo na zui ba conseillera kende kaka Angola na tie makasi molende na classe molende na souffrance wana molende ba papier zate o koma boy papier sili mwa misu na na collègue na yo na pembeni camarade pesa nga papier moko pardon mususu kutu bazo kima yo ye kuta ye asenga kaka ba papier mais na tika osenga elambate. Quelques amis m'ont proposé une fois pas pesanga pantalon na boya. J'étais comme ça. Alors bande kona biso bana na biso bazotanga ko décourager te ozani la souffrance ozotanga na souffrance ko blamer ba parents na yote. Ba parents peut-être bazana volonté ko aider yo mais bazana moyen wana te. Moyen yo sezo kene na bato oyo ba kidnapper pays. Bourse ezalaka te. Mboka na biso bourse batu ba yebi bourse bana ba ministre batu ba yebi bourse il faut za tribu moko na président pour moi c'est président apo na bino bokende na bourse ya mboka na Europe alors yo so za mulubate bourse ngo zulango wapi mais moi possibilité à moquer moquer aux zanango qu'on décourager classe t oh classe en gros tanga musala en gros ils avaient pour que nous salawa t tanga et vanda un jour et qu'on salit ça yo ngai na tanga ka anglais na Congo ba kamara ba bime Patrick Ozali bomate Patrick yo zoke tanga anglais po osala nango nini ngabi na zo tanga ka pona yeba na banoke na njili El Soza ba oba ebe El Soza ezalaka na njili na quartier 7 na avenue commerciale na butu ya pokwa El Soza ezalaki wana na longwe El Soza erba fungoli de young leader school na Kasavubu na ke de young leader school. Même au na komaka na Corée, batu ya ambassade ya ba Congolais na ambassade ya Congo bazo lukangai, ba kangangai, bazo msenga na Congo po na futi droit d'entrée te. À cette époque la Congolais ba yebisinga Congolais no so ayaka, il faut payer $1,000 ya droit d'entrée. Na mutu ayi ko yambanga na port, po ayi ko zobi lamba na ya sombaka na Chine. A koti na makambo wana, immigration ba kangiye. Ni tete anglais na ngai. Mbele lilo petete bo ebinga te. Mbele na zonga Congo. Na kima bafuta ba nigerien. Ba $100 ba lukanga na photo na nga ba luka place ba komo na nga ba kangangai. Ako kima te mboko so yebi anglais te. Oko kima te ba okanga ye. Ha? Na beta indubiri na ba koreye mo na kutana na bango ba etudiant. Erba yo ki son. Aux Américains, tete naza Américain te. Naza Congolais. Congolais, Africain. Mais Anglais, na yo, ça va. Nabie, tolo bakango mamouke. Boye, denga naza la problème. Ces étudiants, batou bazwa ngayi, moko na bango, a présenté ngayi et pa ya grand frère na bango, na vanda et pa grand frère na bango pendant une année. Ba Congolais, ba yako découvrir nga après une année na télévision. Mutuana babanda iko luka ye wana na television siko boya ukanga na ke na immigration boy na kutatala ba lettre aboma batu akima bamsuba lobi akima sokina $500 million bande ko ngakutuna salaki wana zoteka manteka na Congo na zoteka manteka $500 million vraiment ngai na kima nango mais bango nyonso bazalaki na groupe wana okanga ngai na sima bango ba komen ko ya malembe prof aide biso pona mokanda e bele bazwa mokanda na sima na biso na kati ya batu wana tatu oyo na zolo moluba oyo ayebisa bandeko na ye na Angleterre ke yombi azala cuisinier ye moko 35 ans na Corée azala mokanda te visa humanitaire 35 ans mwasi akima ye ndako kolala ezata alala na ba container na ba usine. Na Corée, ce que vous avez na usine, bakolo ba usine, basala ba conteneur, moi ba conteneur ba chaka biloko. Basala ngo ko la ndako, ba paya balala na bandako wana. Alala na conteneur na usine. 35 ans. Bande konene na Congo ba kanisa ke 35 ans na Corée, avant ça makambo lukuta. A okene ko tele mana voiture ya mutu, a kene tele mana ndako akitoko, atindi ba photo ngaya wana avant ça makambo. Je connais mutu na mutu. Je connais. Mais, et ça li vie à Batoko Sekate, parce que, n'a pas l'équipe na vie à Passiwana. Mais, et l'autre, toujours condamné, Ndima Moutou. Moutou a sali li kamo malamo, a tombo li bendele a mboka na yo, Ndima ye. Et ça, te pour n'a soutenir Ndeko na yo, ya tribi na yo, parce que président za Moulouba, Moutou n'yon se fa bete la président Moulouba ma boko. Mais non, to bete, to fingi Kabila. Tomoni ba tokabila ba landa biso boyete boza ba cuisinier. To fingi mobutu ba kalfiye biso ba cuisinier te. Mais pourquoi avec Félix il faut qu'on dénigre tout le monde. Donc ezali conseil na bana biso ba ndeko bozo tanga bo décourager te. Vi eza nyekese. Ah, nalobaka vraiment moi je dis soki batu ba beni ya Nzambe na mukilio bazali nazali parmi bango camarade moka bandoye bisanga na Congo nga er moko na rival ko la vie na ngai boza na babela abi Patrick yo kuteza na braza pamba ndeko za na yete bongo vraiment na braza kutu wazana yete, bongo na bela. Lelo kamarada ebu sanga, soki amoni nga alela ka, oui Patrick, vie za mbulu. Patrick, soki natali yo, ndengo zalaka, ndengo zo soufri na université, Minerva lezate, elamba kolate zate, bike zate, soulier kutu, soulier wana so longoli yango, d'abord za problème ya cheville. Parce que talon yon se beta boye, alors, so, na likolo koto ye fungwa ma boye, soko zo kende ba zelo zo kota la kate. So longoli souli yon na eloga li boso yifuko sukula, makolona mai, yo sukoli. Parce que poussière, er moko sou tuname, na zo lata eloko pola li. Funa tamo la na makolongo louti. Bon, batuba mwona ka mwa souli ye, er moko plas batuba zali, mwa strategi, mwa likolo na sima po batuba mwona te. Ma dofolo ya simami bale ero telemi mayele, ma boko nini bale, e benda triko, e kitisapo batu na simaba mwona teke pantalon yo, e toboka. Se kom sa, vi na nga ezalaki bongo. Me sa signifi, sa signifi pa paske bolo ba, ah, papa na yo ezalaki infirmier, oui, papa na nga na fami na nga ezalaki tozaki dekonekte, eza siko te, tozala ba telefon nyoso, dekonekte. Dekonekte. Yangozo mwona batu mingi ya mboka na nga yi. Ba yebi ngate. So lobi ki ozali mwana ya tona. Ebele ba yebi grand frère nanga bandeko nanga ba yebi bango. Tout le monde ba yebi bango. Me nga ba yebi ngate. Oh. Me to yebi inter yebi. Ah. Nga yi nazali. Kantien. Famille ya tona. Me so yi batale longi nanga ba. A part mwindu. Paske mon père azala ki pembe. A part mwindu. Nga landa mwindu ya mwana biso. A part mwindu. E longi no penza vraiment papa tona. J'ai souffert. Courage, Nabandeko. Ko décourager te. Oria poto kala, oye sika. Makasi na yo, soza na makasi akotanga. Molende. Eko sauve yo un jour. Nzamba sali singai. Na famille oyo, na kene okuta na bango ba Congolais, batu ba pousenga na kena famille wana. J'ai maîtrisé langue nanga ya Coréen na famille wana. Nga na kenda ko tanga langue coréenne na école te, na kenda te, non na ketanga coréenne, na kenda te. J'ai appris coréenne nga na famille oto vana na bango 9 mois, na bimaka te, 9 mois na zana ndaku, na yeko na coréenne. Mais aujourd'hui, moi j'enseigne en coréen. Français nga yza mboulou par rapport à coréen. Moi j'enseigne en coréen. O koti na salle boye ba coréen, bazo kanisa, ah, professeur Yamupaya. Koko takaka bazo kote intention na bango anglais. Koko takaka okoti kaka boya nyonga seyo. Bazo kamwa. O simba boye tablo. Ozo beta mazaya na koreyen. Oh. Me, yo, bota ma hawa obenderite na uta kongo. Paske na yebaki. Même si na kore anglais alime, ba koreye ba itiliza anglais te. Koreye me ma yebe anglais. Akolobate. J'ai des professeurs au batanga na département anglais batanga anglais. Beaucoup ta na ya koloba anglais te azoba kore. Mais surtout mais professeur, mais yo, koloba anglais très bien. Pourquoi loba na kore? Abi prof, wo eza kore, il faut loba kore. Soto zui avion nga na yo to mati, to ke na mboka msusu ayete koloba anglais. Mais awa na kore, kore. Voilà. Donc na tango na vanda ki, na quarantaine wana ba congolais ba pousa ki nga na vanda e kimya te. Na yekoli, na ke class, on ne sait jamais. Mukolo ba benganga yi yaka examen, ya ba professeur. Ah, bapaya pe bazo zo bango, eh bapaya. Na université ngo bapaya bazali, no bapaya bazate, meto moni kaka yo yaka. Premier professeur noir, africain na université wana, ya liboso. Na kenda test, test na mokonin, na coréen. Na entre koutou professeur moko ya yibisinga, ah, mais... Awa, examen o eza ya eza na Angleterre. Nabina wa koreyen. Na yipse pe na koreyen, eza na koreyen. Eh, na kota. Baza ko talata. Eh, mupaya wana. Eh, mupaya. Eh. Presida kuta universita koti na kata sal. Po ankuraje bo sal examen, aye pa na nga kuraj. A telemi mwa muke, azo tala. Abi chincha. Abi chincha. Abi sevre azo kumu. Na beta yango. Résultat est bimi. 30 minutes après, tu retenir yo professeur. Si quoi il faut au salaire sur examen moko etika na ministère de l'éducation. parce que nazala professeur assistante parce que na Corée il y a des professeurs bapaya et belé baza fulte bazali ba assistant. Moi j'ai été engagé comme coréen nazala engagé comme bapayati niance yangwana examen à ministère il y a éducation nationale kuna penza avant qu'on ait un examen, n'a qu'un seul examen téléphoné. Ah, professeur, est-ce que examen ou les gens en coréen, n'a bien n'a pas ça là? N'a kenda. Voilà que tu as interview, examen ou comme aboité, interview. Ministère bangage à professeur, interview. Oh, aux langages, professeur full. Autant que ça va en coréen. Interview. Papa, interview est silly. Examen solo, oh, baling bakende bakende. Interview est silly. Et comme ici, il y a mock class, c'est l'ingé là-bas. Bazu, il y a un étudiant, il y a un bateau, considéré comme étant étudiant, autant que ça va, il y a sa matière. Il y a un cours, il y a un autre cours, droit de l'homme. Bon, pour un sujet, Naponi. Sujet, il y a un discrimination raciale. Et, il y a un examen, mais il y a un test, il y a une discrimination raciale la Corée. Mais, il y a un autre provoqué, il y a un autre. Mais étudier bah il y a tableau et ya ma bandi masa bah on va bandi comme c'est capable ça qui est anglais pour bah ça qui bah on libanda bah si comme inspecteur bah zotala bah jury pardon jury bah zotala mais étudier bah côté bah on est comme mupaya oh yongo andende ah biso anglais te na coréen bovanda na bah papier bah bandi masaya bandi arrêté c'était pour 30 minutes na salaire kaka 10 minutes. Na mona la président a juré à Télémy, professeur Tika, félicitations, na kamwe, na tanga na États-Unis. Na tanga na États-Unis, mendenge na za awa, je ne peux pas enseigner l'anglais. Abi nanga na sala 6 ans na États-Unis na doctorat na ngai. Mais na koyiko tanga na anglais te. Ça me surprend. Prof, ozo tanga ça na coréen et tu utilises les mots techniques. Na bien. Et ça, c'est un Zambé. Nous avons un numéro matricule. Alors, je suis un peu plus fort, c'est-à-dire, en tout cas, Pindieu, il est professeur, il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Deux ans, il y a un peu plus fort. Il est un peu plus fort. Il est professeur, il est un peu plus fort. Deux ans, il y a un peu plus fort. Et dans l'université, il y a un peu plus fort. L'autre université, j'enseigne en anglais parce que mingi programme, il y a un étudiant qui est j'enseigne en anglais. Mais l'université à Liboso, coréen, parce que on est allé en graduat. Deuxième université, ils allaient en bana ya master na doctorat. Bazo longo langata. Pona nini. Voilà, merci beaucoup mes chers amis. To humili lelo. Ils allaient ba conseil à pona ba jeune na biso, ba ndeko na biso. Bo décourager ate. Vie est mystique. Koseka mutute vie eza mystique. Voilà. Ndeko aza na difficulté na moni ndeko na nzela na difficulté koseka ete. Keba, difficulté ana oyebite ezali causé par quoi? Oyebite pourquoi aza na situation wana. Alors, kofinga bato bayaka te, to lingi nde mboka échange. Mboka so échange ezali pona bayaka kaka te, eza mboka pona mutu nyonso. Kasai ezokufa na nzala. Siko bozo finga kuna ozo mana bazo soufri nzala ezali na kasai mais soki ba monika makambo ya Rwanda na bango Felix ba bosani ke bazana nzala yoka ko finga chala mwana baby na yebite chala mwana soki ya vivre il faut botala attention a chala mwana mikolo bande kwa chala mwana botala attention na ye mais na kati wana bande ko ba yebi ya Andre Kimbuta ngape na zana souci ya Andre Kimbuta sante na yende nini po ya Andre banda to yoka ye na makambo ya nyamu nyamo. Je m'inquiète na santé na ye. Botale la nga ye po azape vie malgré tout bato ba trahir mboka na biso mais aza quand même vie na biso. Vraiment souci za makasi. Na yebite soki santé ne za ka malamu po. Nyamu nyamu wana eza ya malamu te. Allez. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Merci et au revoir. Ah. On m'avait dit, c'est un devoir, on m'avait dit, photo, il faut expliquer. Photo, on a besoin, liboso kotoyo bozo mona te devant de ministre ba procureur ya koré bozo mona mokonzi ya HR avandi wana et o bozo mona wana ezali cuisinier le grand moyaka azali koloba ba vérité sur ba paya ndenge ba vivaka na koré sur la loi ya ba paya immigration control act sur loi sur le réfugié na kati wana bozo mona ba avocat ba magistrat ba ministre bazali wana congolais moko kaka azaki na kati ya salle wana un petit très courageux petit Freddy vraiment na lobakango toujours ces petits là na yebi ba congolais belé mais mususu pe na yebi bangote mais na ba congolais o na yebi ces petits là azali petit moko azali na futur to bondi pe petit mwa mokanda ezalaki kokoso mokanda ezalaki mwa kokoso mais to bondi petit azo mokanda ye petit a yombi kutu azo sasa bato bazo mikanda bato bazo za mikanda petit na ye kutu petit na ye mutu akata ka ye suki petit na ye mutu akenda okata ba na ye suki petit na ye mokanda ezati na ye petit vanda kalme okozwa petit azo mokanda lelo ya koma olie baya epana nga pase bazala milovor ça vient na yo yebisa toza kaka bandeko même si toujours condamné bandeko na biso baka sa ye biso toza kaka ndengo mais pardon yebisa vient na yo ezande bongo voilà merci beaucoup totiki wana botika malamu confinement ya malamu masanga mingi te bitumba te boyoka na malamu na ba mama na ba papa et tokutani mbala ya sima. Allez, bye, merci.